Chapitre 4. Elle courut vers le Judas, et vit le ring se déployer dans toute son étendue devant elle. Il était fortement éclairé par un groupe de becs de gaz qui pendaient vers lui du plafond et qui venaient de s'allumer. Elle n'apercevait par contre qu'une partie de la salle qui demeurait dans une pénombre brouillardeuse. Au premier rang des spectateurs, assis sur des chaises, des hommes qui tenaient en main des feuillets de papier et des crayons, lui parurent être des reporters envoyés par les journaux locaux. Un d'eux, tout proche d'elle, mâchait de la gomme. Immédiatement en arrière, étaient alignés des pompiers venus de la caserne la plus proche et des policemen en uniforme. Le chef de la police du quartier, un homme encore jeune, était assis au premier rang parmi les journalistes. Plus loin, parmi le public, elle reconnut avec étonnement Mr. Clausen, le chef de rayon à qui elle avait eu affaire dans l'après-midi du même jour. C'était bien lui, grave et digne, avec sa figure poupine, blanche et rosée, ornée de favoris. Quelques sièges au-delà, elle découvrit Silverstein en personne, les traits allumés par anticipation. Des applaudissements épars saluèrent l'arrivée de plusieurs jeunes hommes en manches de chemise, portant des seaux, des bouteilles et des serviettes. Ils passèrent sous les cordes, en se courbant et traversant le ring, allèrent s'installer à l'un de ses angles, situé à l'opposé de Geneviève. Un homme d'apparence robuste, qui était parmi eux, prit un tabouret et s'y assit, le dos contre les cordes. Elle remarqua qu'il avait les jambes nues, était chaussé d'espadrilles et qu'un épais tricot blanc l'enveloppait. Presque aussitôt, un autre groupe fit de la même manière son entrée sur le ring, accueilli par des applaudissements plus fournis du public. Parmi ce groupe, qui vint prendre place du côté où elle était, elle vit Joey. Il était toujours dans son même peignoir. Lui aussi prit un tabouret et vint s'asseoir à 1 mètre, pas plus, de Geneviève, qui pouvait distinguer les courtes boucles de ses cheveux châtains. Puis se fut au tour d'un monsieur en habit noir, muni d'une épaisse tignasse et d'un faux col bien empesé, d'une hauteur extravagante, de s'avancer au milieu du ring. Il leva la main pour demander le silence et prononça « Messieurs, veuillez, je vous prie, cesser de fumer. » Son invite fut reçu par des grognements et des sifflets, et Geneviève constata, avec une grande indignation, que personne n'obéissait. Elle vit Mr. Clausen, qui tenait justement entre ses doigts une allumette enflammée, lorsque le monsieur en habit noir prononça son petit topo, allumé tout tranquillement son cigare. Dès cet instant, elle le prit en haine. Comment son Joey pourrait-il se battre dans cette atmosphère étouffante, elle-même, qui n'était là que pour un instant, pouvait à peine respirer. Le régisseur alla vers Joey. Celui-ci se leva, laissa tomber son peignoir, et s'avança vers le centre du ring, nu, sauf aux pieds ses espadrilles et un petit caleçon blanc autour de la taille. Les yeux de Geneviève s'abaissèrent. Elle était seule dans sa cachette, nul ne pouvait l'y voir. Et cependant son visage s'était empourpré d'une honte brûlante à l'aspect de la belle nudité de son amoureux. Puis elle regarda de réchef, volontairement coupable, cette fois avec le plein plaisir de contempler une chose défendue. Coupable, oui, devaient être les palpitations de son cœur et l'attirance vers Joey de tout son être. Mais si délicieux était le péché qu'elle n'eut pas le courage d'en refuser la jouissance à ses yeux. Vainement, la petite bourgeoise, collée montée, qui était en elle, lui faisait-elle d'énergiques remontrances. Le vieux péché originel et toutes les forces instinctives de la nature la poussaient de l'avant. L'atavisme maternel et celui de toutes les mères qui avaient précédé la sienne la remuaient obscurément, et elle entendait s'élever dans son sein la clameur des enfants futurs, et fièrement, elle redressait la tête, désespérément résolue à pécher jusqu'au bout. Issue d'une civilisation où la coutume est de se vêtir, les vêtements étaient pour elle inhérents à la nature humaine. Jamais elle n'avait, à travers eux, rêvé des formes du sexe mâle. L'homme était, dans son esprit, un bipède habillé, avec des mains, une figure et un crâne chauve ou chevelu. Toujours, quand elle pensait à Joey, le Joey qui s'offrait à elle était un Joey vêtu, aux joues fraîches, comme celle d'une jeune fille, et aux yeux bleus. Et voici que tout à coup, il s'offrait nu, à ses regards, beau comme un dieu, dans l'éclat des lumières. Oui, et quoique ce rapprochement lui semblât tenir du sacrilège et du blasphème, il y avait en ce moment du dieu en lui. Elle comprenait simultanément l'esthétique d'une belle nudité, comme était celle de son amoureux, dont la peau était aussi blanche et satinée que celle d'une femme, sans qu'aucun duvet en altérât le pur éclat. Oh, que son Joe était superbe ainsi! Combien parfaites étaient ses lignes, comme ses lèvres, entr'ouvertes en un sourire, disaient sa jeunesse. Ce sourire allait au spectateur, car le régisseur, posant familièrement la main sur l'épaule de Joey, avait annoncé « Joey Fleming, l'orgueil de West Oakland ». Les applaudissements et les hurrahs crépitèrent et tonnèrent, et Geneviève entendit, mille fois répétés, les cris amis de « Bravo Joey, vive Joey !» Joey salua et retourna dans son coin, s'asseoir sur son tabouret. Geneviève l'y voyait nettement, à deux pas d'elle, et jamais moins son Joey ne lui avait paru être le type du boxeur. Ses yeux étaient trop doux et son regard trop fin, sa figure trop fraîche et trop gamine, son corps trop svelte et trop fragile, rien de bestial ni de brutal en sa personne. Il lui apparaissait comme une fine porcelaine qui doit être maniée gentiment, avec précaution, et qui, au premier choc, se serait brisée en morceaux. Il manqua à Geneviève, l'œil expert du connaisseur, pour juger sainement de la profondeur de poitrine de Joey, de ses narines largement dilatées, qui disaient la solidité de ses poumons et sa puissance respiratoire. Elle n'entrevoyait pas la souplesse et la résistance des muscles sous leur enveloppe de satin, et toute cette chimie animale de savante destruction qui était éclose en lui. Ce fut ensuite au tour de John Ponta, qui s'était, avec l'aide de deux soigneurs, dépouillé de son tricot blanc, de s'avancer au centre du ring. Geneviève fut terrifiée à son aspect. Il était bien, celui-là, le boxeur type, la bête au front bas, aux yeux noirs, brillant comme des grains de jais, sous des sourcils broussailleux, au nez épaté, aux lèvres épaisses, à la bouche maussade. Sa mâchoire était carrée, son cou semblable à celui d'un taureau, et ses cheveux courts et drus apparaissaient à Geneviève, effarée, comme les dards d'un porc-épic. Si basané était son teint, qu'il en paraissait noir comme celui d'un nègre, et son corps était couvert d'une toison de poils, qui, la poitrine et aux épaules, s'enchevêtraient comme ceux d'un chien. Il avait une volumineuse poitrine, les jambes trapues et ses muscles proéminaient, comme de gros nœuds. Il en était tout bosselé et raboteux, sans ligne et sans beauté, défiguré par l'excès même de sa force. John Ponta, du club athlétique de West Bay, annonça le régisseur. Il y eut, comme pour Joey, des applaudissements et des acclamations, mais moins nourris. Il était évident que c'était à Joey qu'allaient les sympathies de la foule. Un silence suivit au milieu duquel une voix s'éleva et cria « Courage, Ponta, vas-y, bouffe-le !» Cet appel fut accueilli par des grognements et des quolibets. Cela déplut à Ponta, dont la bouche se contracta en une grimace hargneuse avant qu'il ne regagnât son tabouret. Il donnait l'impression d'un animal sans intelligence et sans esprit, d'une menace vivante, engendrant l'effroi autour d'elle, comme fait une bête malfaisante que l'on préfère voir enclose derrière les barreaux d'une cage que courant en liberté. Il sentait de son côté qu'il était antipathique, était un animal encerclé par les fusils des chasseurs. Il tournait vers les spectateurs, son regard haineux dont il les fixait. Son regard tomba sur Silverstein, qui lançait avec allégresse un « Vive Joey !» bien senti. Le petit homme en fut comme médusé. Sa voix s'arrêta dans sa gorge, et il se recroquevilla sur lui-même, comme s'il avait vu souffrir devant lui la gueule des fournaises infernales. Ce petit intermède tragicomique n'échappa point à Geneviève, et elle eût été tentée d'en rire si ce même regard de Ponta, qu'il promenait en cercle autour de lui, n'eût pas, un instant après, croisé ses yeux. Elle eut froid dans le dos, et comme le petit juif, elle se ramassa sur elle-même et se recula dans sa cachette. Presque aussitôt, elle revint coller son œil au Judas, et ce fut pour voir le regard de Ponta se poser longuement sur Joey, en le toisant avec insolence. La brute semblait cuire et réchauffer sa haine. Vers les sombres yeux noirs, Joey leva ses yeux bleus de gamin joyeux, mais il n'échappa point à Geneviève que son visage se plissait soudain. Une fois encore, le régisseur s'avança vers le centre du ring, escortant un troisième personnage en manche de chemise et la figure joviale. « Eddie Jones, dit-il, qui arbitrera la rencontre. »« Vive Eddie, bravo Eddie !» crièrent les spectateurs en battant des mains. Et Geneviève comprit que cet homme était, comme Joey, aimé du public. Les seconds aidèrent les deux boxeurs à enfiler leurs gants. Un de ceux qui était avec Ponta vint au préalable examiner les gants de Joey et une discussion animée s'ensuivit. L'arbitre fit venir les deux groupes au centre du ring. Geneviève vit Joey et Ponta tendre leurs gants, l'arbitre entre eux deux et les seconds les entouraient, les mains sur les épaules les uns des autres, penchés en avant et le cou tendu. L'arbitre parlait et tous l'écoutaient attentivement. Quand il eut terminé, chacun regagna sa place et le régisseur s'adressa au public en ces termes. « Messieurs, Joey Fleming et John Ponta vont se battre à fond. On ne joue pas devant ce club de match nul. Chaque reprise sera immédiate et les deux adversaires continueront la lutte tant qu'il leur restera une main disponible. » Ayant dit, il salua, repassa sous les cordes et sauta du ring dans la salle. Un remue-ménage général suivit. Les seconds se retirèrent à leur tour et passèrent eux aussi sous les cordes, emportant avec eux seaux et tabourets. Seuls demeurèrent sur le ring les deux boxeurs et l'arbitre. Un gong résonna. Les deux adversaires avancèrent l'un vers l'autre d'un pas rapide. Le bras droit étendu, ils se donnèrent pour la forme une mutuelle poignée de main. Presque aussitôt, Ponta se mit à lancer sauvagement ses poings de droite et de gauche. Joey évita leur choc par un saut rapide en arrière et comme un bolide, Ponta fonça sur lui. La lutte était commencée. Geneviève, une main crispée sur sa poitrine, observait. Elle était bouleversée par la brutale rapidité de l'attaque de Ponta et par le nombre de coups qu'il frappait. Il lui semblait que Joey allait inévitablement succomber. La figure de son fiancé disparaissait par moments derrière la volée des gants. Elle entendait seulement la résonance des coups et à chacun d'eux, elle en sentait, au creux de son estomac, la répercussion douloureuse. Elle ignorait que le bruit perçu par elle n'était que le heurt des gants l'un contre l'autre et qu'aucun mal n'en advenait aux deux champions. Puis soudain, elle se rendit compte que la lutte entrait dans une phase nouvelle. Les deux hommes s'étaient empoignés dans une étroite étreinte. Mais pas un coup n'était frappé. C'était ce que Joe lui avait dit s'appeler le clinch. Ponta, à demi étouffé, tentait en vain de se libérer. Joey tenait bon. « Séparez-vous !» cria l'arbitre. Joey se préparait à obéir. Même Ponta, dès qu'il eut une main libre, voulut frapper. Non moins rapidement, afin d'échapper au coup, Joey resserra son étreinte. Geneviève vit distinctement la paume du gant de Joey écraser la bouche et le menton de Ponta, et au second « Séparez-vous !» de l'arbitre, Joey, repoussant violemment la tête de son adversaire, se dégagea d'un mouvement bref. Il y eut un court arrêt, durant lequel Geneviève découvrit son amoureux de pied en cap. La jambe gauche un peu en avant, les genoux légèrement ployés, il se ramassait sur lui-même, la tête enfoncée entre les épaules et protégée par elle. Les poings à l'alignement dans la position réglementaire, il était prêt pour l'attaque comme pour la défense. Elle distinguait, sous la peau blanche, la tension des muscles qu'il semblait vivre. L'attaque de Reschef vint de Ponta. Reprenant son jeu familier, il se précipita furieusement sur Joey, qui ne songea plus qu'à se garder. Il s'accroupit un peu plus sur ses genoux en un bloc plus compact, et des poings, des coudes et des avant-bras para les coups. Il pleuvait sur lui, dru comme grêle, et il semblait à Geneviève qu'il allait périr sous eux. Mais il encaissait sans broncher. Avec une savante souplesse, se balançait alternativement d'arrière en avant, d'avant en arrière, comme un arbre sous la tempête. Les spectateurs, saisis d'enthousiasme, se mirent à acclamer. Geneviève vit les mains qui battaient. Silverstein, se hissant sur sa chaise, clamait son admiration et sa joie, et elle entendit toutes les gorges crier « Bravo, bravo Joey !» Alors elle comprit que son amoureux, loin d'être assommé sous les coups de Ponta, se dirait « On ne peut mieux de la bataille !» De temps à autre, il émergeait du tourbillon des poings de son adversaire pour disparaître à nouveau sous leur enveloppement féroce et vain.